Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Ghislain Blick. Salut Sofiane. Salut Ghislain, comment tu vas? Ça va. Écoute, ça va, il fait beau. Moi, c'est toujours très lié au temps, donc là, il fait beau, donc c'est un jour où ça va. D'accord. Bon, mais du coup, j'ai bien fait de ne pas faire le podcast en novembre ou en décembre, hein, c'est cool. Exactement, oui, là, on est bien tombé. Bon, ben ça va. Là, en ce moment, t'es posé, t'attends, enfin, je veux dire, t'attends, j'imagine, comme tout le monde, la reprise, voilà, quoi, ça nous démange là, de plus en plus. Ouais. Eh oui, mais oui, je me tourne les pouces, quoi. Hein. Eh oui, on aimerait bien utiliser nos pouces opposables pour attraper des micros et parler dedans. Exactement. Tu m'as envoyé dans le message que tu m'as envoyé, tu m'as dit, j'imagine que t'as assez peu de temps libre. Et je me suis dit, c'est sympa que tu m'envoies ça, que tu m'aides à mentir à moi-même, quoi. Parce que j'ai énormément de temps libre, j'en ai beaucoup trop. Mais écoute, je mets toujours ça par précaution, parce que je me dis, en vrai, même quand on a du temps libre, en vrai, on se trouve toujours une occupation. Si jamais la personne, elle passe sa journée sur Netflix, elle n'a pas beaucoup de temps libre non plus, tu vois. Oui, c'est vrai. Non, puis j'ai vu que, bon, t'as reçu quand même pas mal de profils différents, donc tu t'adresses en effet à des gens qui ont des occupations et pas forcément trop de temps libre. Bon, en ce moment, c'est très, très... Je suis très, très disponible. Bah écoute, en tout cas, je suis ravi que ce temps disponible, tu le mettes à profit pour partager tes histoires à travers ce podcast. Et justement, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter. Ouais, écoute, j'ai essayé d'y réfléchir un peu. Je ne sais pas qui sont les gens qui t'écoutent. Et j'ai essayé de réfléchir un peu à ce que c'était... des galères d'humoriste et j'ai dû m'extraire de ça assez vite parce que j'avais peur de sombrer, quoi. J'avais peur de devenir dépressif très vite. Écoute, honnêtement, ma pire galère d'humoriste, c'est celle que je suis en train de vivre en ce moment, Sofiane. La pandémie ou le podcast? Ah non, c'est la pandémie, quoi. C'est-à-dire que ça fait... maintenant, un an, quoi, et puis jour après jour, ça fait de plus en plus de temps que je peux pas faire mon boulot. C'est ouais. Terrible, quoi. C'est ça la plus belle galère, mais bon, c'est la plus triste, alors on va peut-être pas parler de ça. Mais quand le boulot va reprendre, oui, je vais avoir la chance d'avoir d'autres galères, c'est ça qui est terrible. C'est que je suis en train de me morfondre. Et que le jour où je vais remonter sur scène, je vais probablement me reprendre des bides et je vais me retrouver dans des histoires avec des gens dans le public qui me crient dessus ou quoi que ce soit. Enfin bon. Donc c'est une galère perpétuelle. Écoute, moi je peux te raconter mon pire bide parce que c'est toujours un plaisir. Ok. Raconter ses bides. Je sais pas pour les autres, mais pour moi ça me fait toujours, ça me remet les pieds sur terre un petit peu, quoi. Mm-hmm. Mon pire bide, je sais plus en quelle année c'était, mais je devais peut-être avoir déjà 2-3 ans de stand-up dans les pattes. Et les comiques, ils aiment bien souvent raconter leur vie. Mais souvent, ils aiment bien raconter leur vie, tu sais, où c'est pas de leur faute. Où t'as toujours quelqu'un dans le public qui va pas, où c'est l'organisation qui avait fait une connerie, où il n'y a plus d'électricité. Moi, le bide qui m'a fait le plus mal, alors je mets de côté toutes les chichas. ça compte pas. Exactement. Le bide qui m'a le plus détruit l'âme, c'était j'allais jouer... C'était vers la Villette, quoi. C'était un plateau qui s'appelait le Cocorico. On arrive, donc ça faisait quand même déjà quelques années que je faisais du stand-up, donc j'avais quand même un petit peu d'expérience. On arrive, le présentateur monte sur scène, on entend les gens du public hurler, ambiance ultra chaude, vraiment une ambiance de finale de Coupe du Monde en 98 au troisième but. Vraiment, le public... Ah ouais. Hyper chaud, ok. Donc là, on se regarde tous et on se dit, ok, bon, bah, c'est cadeau pour tout le monde, quoi. Ce soir, tout le monde est un génie de l'humour, quoi. Donc le présentateur, il fait son... Oh là là, c'est terrible. Donc le présentateur, il fait sa chauffe, mais bon, il a même pas besoin de faire sa chauffe parce que de chaque phrase qu'il dit, tout le monde est vraiment trop chaud, quoi. Le public est trop chaud. Il envoie le premier, il envoie les deux premiers cartons, tu vois, tout le monde rigole à fond, vraiment, tout le monde se fait plaisir, les humoristes sur scène se font plaisir, et les gens dans le public rigolent comme des fous, quoi, et moi, je me méfie un peu, tu vois, parce qu'en général, quand c'est trop facile, en vrai, ça me déstabilise un peu, c'est ça mon problème. Mais t'as eu la présence d'esprit, en fait, de te méfier, parce que je pensais que t'allais me dire, j'étais trop en confiance, parce que ça, c'est l'erreur classique, moi, le premier, ouais. Ça m'est arrivé, quand tu sens que ça va être trop facile, tu es trop en confiance et du coup, tu vends moins bien ton sketch et là, tu bides. Oui, exactement. Moi, ça me l'a fait beaucoup. Quand tu arrives, genre, je vais me régaler et tout. Oui, c'est là que tu te fais éclater, quoi. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis souvent méfiant quand ça se passe bien. J'essaye de dire pour quelle raison est-ce que ça pourrait mal se passer pour moi et tout. Bon, là, je regarde les deux premiers, ils font des trucs un peu style, première saison du Jamel Comedy Club et tout. Enfin, des styles un peu à eux. Et je me dis, ça se trouve, c'est le style du public et c'est ça qui kiffe. Mais moi, je suis quand même bien différent de ça. Et je peux me ramasser et tout, quoi. Là, il y a un mec qui passe en troisième, et qui a vraiment, qui fait quelque chose vraiment plus dans mon style à moi. Le public est mort de rire et tout. Je me dis, bon, c'est juste que le public est chaud, quoi. Il y a un autre type qui passe après, qui est vraiment, moi, que j'ai vu, c'est quelqu'un qui fait pas énormément de stand-up. Je l'ai vu 4-5 fois ce jour-là. Je l'avais vu 4-5 fois sur scène avant. Et 4-5 fois, ça avait été toujours très dur. Dur, du genre, c'est quelqu'un qui fait de l'humour très noir et tout. Et il met tout le temps les gens très mal à l'aise. Donc, je me dis, lui, c'est mon thermomètre. Lui, il va juger le public pour moi. Quoi. Et sur là, il cartonne. Il cartonne. Un carton, quoi. C'est simple, je ne l'ai jamais vu marcher aussi bien. Je ne l'ai jamais vu marcher, ce mec. sauf ce soir-là où il cartonne. Quoi. Et, donc moi, là, ça m'abat toutes mes défenses. Je me dis, bon, bah, c'est cadeau, quoi. C'est régalade. Et donc, ce mec-là m'appelle, je rentre sur scène, c'est incroyable. Et jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est bien de raconter tes bites quand tu as des raisons et tout, mais jusqu'à aujourd'hui, je suis incapable de te dire quelle était. Je te promets, je rentre sur scène. Allez, la première blague, déjà, ça rit un peu moins que d'habitude, mais ça rit un peu. Et après blague, enfin, j'éteins l'incendie, quoi. Mais c'est un truc de dingue, parce que. C'est 20 minutes de feu sur scène. Et ben, écoute, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je peux pas te dire ce que j'ai mal fait. J'ai probablement mal fait un truc, quoi. Mais blague après blague, et il en a pas fallu beaucoup. Il a fallu vraiment 4 ou 5 blagues pour que vraiment tout le monde se mette vraiment à fermer sa gueule. J'ai fait taire le public, quoi, et ils m'ont tous regardé. En étant un peu gêné, moi, au bout de 2 minutes, j'en pouvais plus. J'étais en sueur. Au bout de 2 minutes, c'était un scandale. Et j'ai jamais pu m'en relever, quoi. Jusqu'à la fin, je suis sorti. Après moi, il y avait Redouane Bougaraba. Bon, bah, Redouane Bougaraba, je l'ai jamais vu bider. Et là, en plus, donc, il est arrivé et il a tout éclaté derrière moi. Et donc, c'est vraiment, rentre chez toi. En me disant qu'il y avait une soirée qui était vraiment exceptionnelle, peut-être la plus belle soirée de Paris, sauf vraiment les 5 minutes où c'est toi qui tenais le volant, quoi. Oh là là là là là là là là. Oh. Je compatis vraiment. Et c'est dommage parce que, tu sais, c'est, si tu veux, là, toutes les conditions étaient faites pour que tu comprennes pas ce qui s'est passé parce que ça a cartonné pour tout le monde. Après, des fois, le public peut être chaud pour le premier parce qu'ils l'attendent ou je sais pas, des fois, ils savent qui c'est qui va monter sur scène. Voilà. Ouais. Après, le deuxième, ça cartonne aussi. Bon, bah, normalement, ça va. Allez, coup de bol. Troisième aussi, c'est bien et tout machin. Même le mec qui cartonne jamais, il cartonne. Donc là, vraiment, je comprends que t'es pris la confiance, tu vois. Le petit bémol à la fin, c'est que justement, il y avait quelqu'un derrière toi. Donc, s'il y avait eu personne, on aurait pu se dire le public était fatigué. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Mais là, même pas. Même pas, donc c'est une espèce de courbe qui montait, au moment où t'es arrivé, malheureusement, malgré toi, elle est descendue, et après, quand t'es reparti, elle est remontée, donc c'est vraiment, on voulait pas toi, tu vois, c'est zéro excuse. Oh, mais je comprends pas, je sais pas, pourtant, ouais, non, tu sais, c'est la science inexacte de l'humour, des fois, il y a des choses qui passent pas et tu comprends pas pourquoi, au même titre que, quelque part, si on y réfléchit bien, le mec dont tu as parlé avant toi, qui a été ton thermomètre et qui a cartonné, on sait pas non plus pourquoi il a cartonné, puisque d'habitude, ça marche pas tellement. Non, et on peut pas dire, quoi, mais c'est, comme tu disais, je pense que si on fait un raisonnement logique, on ne peut pas trouver un point vraiment qui m'excuse. Tu vois, c'est vraiment 100% moi. Mais alors, je ne peux pas te dire ce que j'ai fait, ce que j'ai mal fait, mais c'est vraiment 100% moi qui n'allais pas ce soir-là, quoi. C'est vraiment dommage et je comprends. Et aujourd'hui, on en rigole, évidemment, sur le moment. J'imagine que tu as dû rentrer vraiment la tête baissée et dégoûtée, quoi. Bah ouais, c'est d'autant plus dur que, en plus, tu ne sais même pas. Enfin, À partir de la 2-3e minute, je sais ce qui allait pas. C'était vraiment ma gueule en sueur et probablement toute rouge de mec qui galère. Mais la première minute, je sais pas ce que j'ai mal fait. C'est vrai que c'est plus dur quand tu sais pas. Tu peux même pas te dire, bon, ben, va falloir que je travaille ça ou ça. C'est vraiment... Oui, c'est quelque chose de mystique, quoi. C'est un soir où ça fait quelque chose de mal, mais tu sais pas quoi corriger, quoi. Non, mais j'avoue. Mais écoute, ça fait partie des choses qu'on pourra jamais s'expliquer. Et malheureusement, on y est tous contraints de continuer et de s'exposer peut-être à ce genre de soirée-là. Hein. Malheureusement, des fois, tout le monde cartonne et toi, non, je sais pas. Et le problème, c'est quoi? C'est que c'est un effet domino, tu sais. C'est que à partir du moment où tes premières blagues ne passent pas et que tu ne comprends pas pourquoi... Tu perds de l'énergie et tu perds de la prestance sur scène, ce qui fait que c'est l'effet domino, tout tombe, tu vois, genre les dominos tombent les uns après les autres, l'ambiance descend petit à petit. Ouais, moi j'admire un peu les gens sur scène qui se laissent pas toucher par ça, quoi. Parce qu'il y en a qui arrivent à gérer ça. Moi, si j'ai un mauvais début pour 2-3 minutes, c'est souvent assez dur de récupérer la fin. Il y a des humoristes qui se laissent pas démonter, quoi. Et qui donne tout, jusque moi, si ça marche pas les 2-3 premières minutes, c'est très dur de revenir, quoi. Ah, je comprends tout à fait. Ben, je suis un peu comme toi aussi. J'essaye de pas le montrer. J'essaye de faire en sorte de conserver une certaine dignité. Mais dans ma tête, c'est mon Dieu, je veux partir d'ici. Je veux que ces gens m'oublient. Ce qui sera certainement le cas, hein, mais voilà. Oui. Et oui, s'ils pouvaient tous m'oublier le plus vite possible, quoi. Si on pouvait leur filer un faux nom à la fin du spectacle. Je te vois tellement faire ça parce que tu vois, j'entends la complicité dans tes podcasts avec Pierre et tout. Je te vois tellement faire. Merci beaucoup, c'était Pierre Thévenoud, tu vois. Oui. Oh, c'est tellement douloureux, sérieux. Quand ça arrive comme ça, c'est. Ah, je comprends totalement et je compatis. On en a tous pris des bides et on en prendra encore. Ah oui, c'est-à-dire que. Je sais pas quand est-ce que ça va réouvrir, hein, mais je pense que ça va être une belle série de bides déjà quand ça reprend. Ah, c'est sûr. Pour moi, l'été dernier, c'était dur. Ouais. Bah le jour de la réouverture des salles va correspondre au jour de la réouverture des bides, hein, tout simplement. Oui, la saison des bides est ouverte. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Gisla. Ben, merci à toi, Sofiane. Avec grand plaisir. C'était un plaisir de te recevoir dans ce podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Écoute, Gislain Blic, Gislain.blic, sur Instagram, Facebook, un peu partout, quoi, avec mon nom. Ok. YouTube, Twitter? YouTube, il y a 2-3 trucs. J'ai un podcast qui s'appelle Comic. Oui, le podcast comique que je vous conseille vraiment, ce sont les pensées et les élucubrations de Monsieur Blic, et franchement, c'est génial. Merci, Sofiane. Ben, c'est sincère. Vraiment, j'aime beaucoup le podcast en général, et quand c'est un podcast comme ça, très... tu vois, genre vraiment très libre, en fait. Tu vois, c'est le côté liberté que j'aime beaucoup là-dedans. Et on l'écoute, ça part en vrille, c'est marrant, c'est tout ce que tu veux. C'est une liberté. La liberté du podcast est très bien représentée dans Comic. Donc vraiment, bravo à toi. C'est vrai que je ne me mets pas trop de contraintes. Peut-être que deux fois, je devrais faire un effort quand même. Mais c'est ça que les gens aiment chez toi, justement. Ouais. C'est quand tu dis, vous inquiétez pas, il y aura un épisode par semaine et tout, machin. Et puis après, au bout d'un mois, bon, écoutez, j'ai un peu déconné. Mais c'est ça, c'est l'être humain dans ses failles. Tu vois, c'est normal. Oui. Tout va bien. C'est un peu de cas sur la faille. C'est un podcast sur la faille et franchement, je vous le conseille de tout mon cœur. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.